Valérie Levé au microphone pour ce dernier segment de Futur Simple sur CKRL 89.1 et j'ai le grand plaisir de retrouver Aurélie Lévy. Les auditeurs qui écoutent Futur Simple depuis longtemps se souviennent peut-être d'Aurélie. Elle était là entre 2009 et 2012 et elle a décidé de replonger. Bonjour Aurélie. Bonjour Valérie. Alors Aurélie, comme beaucoup d'auditeurs sans doute ne te connaissent pas ou ne se souviennent pas très bien de toi, on va commencer par te présenter. Si je me souviens bien, tu es mathématicienne. Eh oui, c'est ça. Personne n'est parfait. Hein. Donc c'est ça. Moi, la formation, j'ai une formation de mathématiques. J'étais vraiment une passionnée. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Je me suis plongée là-dedans. Puis après, ma maman m'a dit de trouver un métier où je serais payée pour parler. Donc j'ai décidé de faire de la communication. Donc j'ai fait de la communication scientifique et je travaillais notamment avec des enfants dans des musées scientifiques. Voilà. Et donc, il y a quelques années, c'est pour ça aussi que tu étais arrivée à Futur Simple. Et là, donc, tu nous reviens avec un concept de chronique inspiré des questions que te posent tes enfants. Et oui, c'est ça. Donc, en fait, ma coupure, moi, ça a été ça, la maternité. Hein, on ne peut pas tout faire dans la vie. Donc, pendant les nombreuses années avec mes enfants, les pourquoi, hein, on a tous connu ces périodes-là. Mais maman, pourquoi et pourquoi oui. Alors, c'est pourquoi on ne peut pas faire ci, pourquoi on ne peut pas manger un bonbon. Mais il y a aussi on en parlait justement avec l'invité que vous aviez avant. Pourquoi les arcs-en-ciel ont ces couleurs? Pourquoi il y en a des multitudes? Et donc, je me suis amusée à tous les noter dans un calepin. Et je me suis dit qu'un jour, j'avais besoin de les noter. Et à force de découvrir là pourquoi, il y en a certains qui m'ont interpellée moi-même. Je me disais moi-même, ah oui, ça, c'est vrai ça, pourquoi? Donc, ils sont pas si... c'est pas tous des pourquoi naïfs, ou des fois, il y a des pourquoi très, très profonds. Et donc, je me suis dit qu'on allait s'en inspirer et tous, en fin de compte, se nourrir des questionnements des enfants. Ouais. Et donc, la question pour ce soir, c'est... Dis maman, pourquoi l'eau éteint le feu? Eh oui, alors, on en a tous parlé hein, dans les dernières semaines. Là, on n'arrêtait pas de parler des incendies en Amazonie, en Australie. Donc bien entendu, on entendait ça aux informations. Les enfants sont souvent avec nous dans l'automobile quand on écoute les informations. Et donc là, il y avait des questions. Donc ils ont commencé, ah maman, pourquoi les animaux n'éteignent pas le feu? Ah maman, et donc à un moment, ah maman, pourquoi l'eau éteint le feu? Ah ben oui, tiens, pourquoi l'eau éteint le feu? Bonne question. Alors là, on se dit, ok, alors, bon, là je me suis dit, bon ben, est-ce que la réponse, ben là, tout le monde le sait que l'eau éteint le feu, voilà, hein, ça s'arrêtera là. Mais bon, c'est pas le genre de réponse que je souhaitais donner à mes enfants, puis depuis qu'ils sont tout petits... Puis j'avoue aussi que c'est parce que ça me laisse le temps de réfléchir à ma réponse. Avec les enfants, on utilise une démarche scientifique. Donc on essaye d'émettre, on observe une situation, puis on essaye d'émettre une hypothèse. Mm-hmm. Donc là, je leur ai dit, d'après vous, hein, pourquoi? Je me suis dit, ça va me laisser le temps de réfléchir à ma réponse. Et donc l'hypothèse énoncée, c'était, parce que l'eau, elle est liquide, puis le feu, il aime pas ça être mouillé. Mm-hmm. Voilà, ça t'est l'air à ce moment des enfants. Là, notre trajet à l'école touchait à sa fin. Donc, on s'est lissé avec cette hypothèse et on s'est dit, on va la tester ce soir. Vous avez ça m'arrangeait ouais. bien, ouais. Hein, parce que là, je n'avais pas de suite à cette hypothèse. Tu avais le temps d'y penser. Et c'est donc, ça. Comment vous avez testé cette hypothèse? Alors, d'abord, on s'est demandé, est-ce qu'il y avait un contre-exemple si ouais. On aime bien voir ça. Alors, on s'est dit, est-ce qu'on peut penser à quelque chose qui est liquide, mais qui n'éteindrait pas le feu? Alors, tout de suite, on a pensé à l'huile en se disant, si on verse de l'huile sur un feu... Ça va pas l'éteindre. Non, hein, ça va plutôt faire l'effet inverse, ouais. On risque de pas vraiment être content. Donc là, on s'est dit, ok, c'est pas ça. Donc là, j'ai fait quelques petites recherches en avance, parce que même, je vous avoue que moi-même, je n'avais aucune idée de pourquoi l'eau éteignait le feu. C'était vraiment une question... je me suis trouvée face à une grande question existentielle. Comme quoi, hein, faut se méfier des faits acquis. On se dit tous, l'eau éteint le feu, hein, c'est comme ouais. ça, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'a compris. Donc, j'ai fait des petites recherches. Puis là, en faisant les petites recherches, je me suis dit, et si c'était sa capacité à changer d'état? Donc là, c'est là, on cherche une deuxième hypothèse c'est à partir ça. De la capacité à changer d'état. Alors, est-ce que la vapeur, tu sais, avec la chaleur, l'eau se transforme en vapeur, est-ce que ça pourrait être la solution? Donc là, on s'est mis à faire des petites recherches sur, mais le feu d'abord, ça existe comment? Comment est-ce qu'un feu, ça prend? C'est quoi, ça prend quoi c'est comme quoi élément? C'est quoi les conditions pour que le feu démarre? Ouais. Et là, tu fais cette recherche-là avec tes enfants. Voilà, je fais ma recherche, donc on regarde, alors on se dit, alors pour que ça démarre, ça nous prend... Donc, un combustible. Alors, ils me disent, ça prend du bois, ça prend un arbre sec, ça prend un rideau qui flambe, ça prend un canapé, une allumette. Je dis, oui, alors ça s'appelle un combustible, ça, c'est le premier élément. Ensuite, ça nous prend quoi? ben, ça nous prend du feu, ça nous prend quelque chose qui va faire démarrer. Alors effectivement, on pense au feu, à l'allumette, mais un court-circuit électrique, il y a différentes raisons. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'on appelle la source de chaleur. Mm-hmm. Donc on a notre combustible, notre source de chaleur, et la troisième chose qui est nécessaire, ben, c'est du dioxygène. Ouais. Hein, donc dioxygène, alors souvent on va dire que c'est l'oxygène, hein, mais pour être avec des concepts scientifiques exacts, l'oxygène c'est l'atome, O, et puis le O2 c'est du dioxygène. Donc la molécule, elle a deux c'est atomes. C'est ça, la donc molécule, c'est du dioxygène. Alors souvent on parle d'oxygène dans les deux cas, mais on va utiliser le bon mot vu qu'on est à Futur Simple. Hein. Voilà. Donc il nous faut du dioxygène, qu'on va appeler en fait le comburant. En fait le comburant, c'est lui qui va permettre, qui associé au combustible, va permettre en fait la réaction de combustion. Donc on a trois choses, notre combustible, un canapé par exemple, notre source de chaleur, un court-circuit, et notre comburant. Et à partir de là, vous vous posez la troisième, vous trouvez voilà. une hypothèse. On se dit, ben là, l'eau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça peut enlever notre canapé? Non. Est-ce que ça peut enlever notre feu? Non. Le court-circuit, non. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est qu'on doit, on doit enlever quelque part le dioxygène. Donc, c'est ça, cet élément qu'on enlève. Alors, mais comment? Comment? Pourquoi est-ce qu'on utilise l'eau pour priver le feu de son carburant? Et c'est quoi le super pouvoir qui se cache dans l'eau? Eh bien, la réponse, ça se trouve dans la capacité de l'eau à passer de l'état liquide à l'état gazeux. En fait, c'est ce changement d'état qui va nous apporter deux alliés de choix pour combattre le feu. Le tout premier, c'est le refroidissement de l'environnement. Ben ouais, parce qu'en fait, pour passer de l'état liquide à l'état gazeuse, l'eau a besoin d'énergie. Ici, de l'énergie thermique. Alors, on ne va pas tout à fait parler ce que c'est de l'énergie, parce que sinon, je vais avoir besoin de trois chroniques supplémentaires. Ça pourra être pour une prochaine fois où on va exactement parler de ce qui se passe en termes d'énergie. Mais en gros, on sait que si on a un élément, par exemple, une boule métallique chaude qu'on met contre une boule métallique froide, c'est conducteur, les deux vont faire un transfert d'énergie. Donc l'énergie, c'est quelque chose qu'on cède. C'est pas quelque chose qu'on peut acquérir, c'est quelque chose qu'on prend à autre chose qu'on cède. Donc là, l'eau, pour pouvoir chauffer jusqu'à 100 degrés, elle va aller prendre de l'énergie dans la source de chaleur. Donc elle va la priver d'une partie de son énergie, donc de sa chaleur. Ouais. Et ensuite, pour passer de son état de 100 degrés à l'état gazeux, donc pour faire la transformation à l'état gazeux, elle a de nouveau besoin d'énergie. En tout, 3 litres d'eau, pour passer à l'état gazeux, va avoir besoin de 6 mégajoules d'énergie. 6 mégajoules d'énergie, là, c'est 1430 kilocalories. C'est à peu près ce qu'un adulte femme qui ne ferait pas de sport mange en une journée en termes de calories, pour vous donner. Donc 3 litres d'eau va priver autant de cette énergie du feu. Donc on va refroidir, on se rappelait tout à l'heure, la chaleur est une catégorie. Et la deuxième chose, le deuxième allié, c'est que ça va chasser l'air de l'environnement. Comment ça? Comment est-ce qu'on va pousser donc l'air? Donc l'air et l'oxygène. C'est ça. Ouais. Donc si on pousse l'air, on pousse l'oxygène qui est contenu dans l'air, donc on prive... On étouffe en fait le feu. Souvent, on parle qu'on va étouffer le feu. Et en fait, ça, c'est dû en fait à la place que prend le gaz. Un litre d'eau. La vapeur d'eau. C'est ça. Ouais. Un litre d'eau va prendre le volume d'un litre. Mais quand on va faire bouillir ce litre d'eau, si on arrivait à contenir le nuage de vapeur dans un contenant, il faudrait un contenant de 1700 litres. Ah! Pour contenir la vapeur d'un litre d'eau. Donc, vous imaginez, c'est 1700 fois plus volumineux. Okay. Et donc là, tout ce volume de vapeur d'eau chasse l'air et l'oxygène. Voilà, prend la place de l'air et donc chasse l'oxygène. On coupe le feu de son comburant et à ce moment-là, le feu s'éteint. D'accord, voilà l'explication. Et voilà. Mais très rapidement, Aurélie, parce qu'il nous reste juste une minute, est-ce qu'on peut éteindre tous les feux avec l'eau? Et non, voilà, c'est là où c'est pour ça qu'il y a les extincteurs qui pulvérisent de la mousse. Très rapidement, l'eau, ça peut aussi servir de bombe dans certaines configurations de feu. Par exemple, un feu de chaudron dans nos maisons. Hein, on laisse de l'huile sur le feu, l'huile c'est se met à bouillir, avec la chaleur, ça s'enflamme et on a un feu dans le chaudron. Là, la pire chose à faire, c'est prendre un verre d'eau et le jeter dedans, parce que ça va faire une bombe de feu. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une histoire de densité, rapidement. C'est que quand on verse l'eau dedans, vu que l'eau, elle est plus dense que l'huile, elle va couler au fond du chaudron, elle va être au contact de la chaleur. Là, on a dit que l'eau, quand elle se chauffe, elle devient de la vapeur. Donc, elle veut faire des petites bulles, comme quand on veut cuire des pâtes. Hein, on voit que ça fait des petites bulles. Les petites bulles montent dans l'huile. Ça fait faire des bulles d'huile, des pop-pop d'huile. Ah ouais. Donc, on augmente la surface de contact de l'huile avec le feu. Ah oui. Donc, on augmente le feu. Et donc, c'est vraiment la pire des situations. Donc, dans un feu de chaudron avec de l'huile, on n'utilise surtout pas d'eau. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on a des extincteurs à mousse dans ces cas-là. Eh bien, Aurélie, tu diras merci à tes enfants parce que j'ai appris quelque chose ce soir. Moi aussi, je pense que je ne me lasserai jamais de ces questions-là. Et je voulais juste vous dire que peut-être que garder une âme d'enfant, mais en fait, ce serait continuer de ne jamais rien prendre pour acquis, même pas la simple évidence que l'eau éteint le feu. Donc, merci Aurélie, puis on te retrouve pour une prochaine chronique avec une autre question existentielle.